Sire comte, j'ai filé devant vous en votre hôtel. Il ne m'avait rien donné, ni mes gages à quitter. Ces vilaines îles, moi que dois cette mendille, je ne vous servirai mis. Mon monnière est mal garnie et ma bourse mal farcie. Sire comte, confiez à moi votre volonté. Et si mon chant agréé, un beau don l'on me donnait, par courtoisie, il me faut n'en douter, mille retourner en ma ménie. Si ma bourse est dégarnie, ma femme ne me rimille. Mais me dit sire Angelé, en quel lieu avais-je, je n'avais rien rapporté. Vous avez trop musardé de par la ville. Votre besace peuplille, elle est bien devant farcie. On y soit qui garde envie d'être en votre compagnie. Quant à mon hôtel, allez, puis à ma femme montrer par derrière un sac gonflé, et que je suis bien barré de robe grise. Sachez qu'elle a au mur mise la quenouille sans vertise. Elle me rit par franchise, ses deux bras au col me liguent. Ma femme va vider mon sac sans plus demeurer. Mon garçon va abreuver mon cheval et l'étrier. Ma servante va chercher deux chapeaux pour me vêter et les épices. Ma robe rapporte ma fille en sa main par courtoisie. L'or suit de mon hôtel sire et j'y puis chanter et rire.